azasio ben na kati ya bongo na ye, n'est-ce pas Kerno Gissé? L'amour, c'est pas toujours ce que l'on pense, papa, casseur. Mais quand il est dans le cœur,